Selon News 6 de Corée du Sud, les députés à l'Assemblée municipale de Gwangju ont réclamé de mettre en public toutes les données relatives à la manipulation et à l'approbation américaine du massacre des insurgés perpétré par l'armée sud-coréenne lors du soulèvement populaire à Gwangju et d'éclaircir la vérité. Ils ont souligné que l'actuel gouvernement doit demander à l'administration américaine de publier intégralement les données sur le soulèvement populaire de Gwangju conservées à la CIA.